Il faut que je le dise, j'ai peur d'aimer, c'est mon plus gros problème. C'est ma hantise, donner mon cœur pour le retrouver en maintenant. Faut du temps, faut du temps, faut du temps. Faire oublier mon être, faut du cran. Faut du cran, faut du temps, faut du temps. Elle me veut, je la veux. Où se cache derrière ma fierté. Elle me veut, je la veux. Mais mon amour se cache derrière ma fierté. Ah, ne m'en veux pas, faire de mon mieux, j'essaie. Je suis en train de tout gâcher, je sais. Mais la dernière fois que j'ai montré mes sentiments, ça s'est mal terminé, l'intérieur saigne. J'aimerais que tu ressens mes mots pour que tu comprennes. Aimer à nouveau, je vois que tu m'apprennes. On s'apprécie, mais là je me sens vie. Putain, je suis bloqué. Peut-être qu'avec le temps, je te verrai autrement, c'est tout ce que je souhaite. Peut-être qu'avec le temps, tu soigneras mes plaies. Il faut que je te dise, j'ai peur d'aimer, c'est mon plus grand problème. C'est ma hantise, donner mon cœur pour le retrouver en maintenant. Faut du temps, faut du temps, faut du temps. Faire oublier mon ex, faut du cran. Faut du cran, faut du temps, faut du temps. Elle me veut, je la veux. Mais mon amour se cache derrière ma fierté. Elle me veut, je la veux. Mais mon amour se cache derrière ma fierté. Dis-moi franchement, est-ce que tu pourrais m'attendre? Pour moi, t'as mis ces seins sur la liste d'attente. Tu mérites que je sois moins dur et plus tendre. Mais j'arrive pas à répondre à tes attentes. De toi, j'ai envie de me rapprocher. Mais l'amour m'a aveuglé, donc je sais plus où aller. Moi, je veux te montrer que tu me plais. Mais putain, je suis bloqué. Peut-être avec le temps, je te verrai autrement, c'est tout ce que je souhaite. Peut-être avec le temps, tu soigneras mes plaies. Il faut que je te dise, j'ai peur d'aimer, c'est mon plus grand problème. C'est ma hantise, donner mon cœur pour le retrouver en maintenant. Faut du temps, faut du temps, faut du temps. Faire oublier mon être, faut du cran. Faut du cran, faut du temps, faut du temps. Elle me veut, je la veux. Mais mon amour se cache derrière.